Tout concourait à la majesté tragique de cette minute suprême. Mille fracas mystérieux dans l'air, le souffle des masses armées mises en mouvement dans des rues qu'on ne voyait pas, le galop intermittent de la cavalerie, le lourd ébranlement des artilleries en marche, les feux de peloton et les canonnades se croisant dans le dédale de Paris, les fumées de la bataille montant toutes dorées au-dessus des toits, on ne sait quel cri lointain, vaguement terrible, des éclairs de menaces partout, le tocsin de Saint-Méry, qui maintenant avait l'accent du sanglot, la douceur de la saison, la splendeur du ciel plein de nuages et de soleil, la beauté du jour et l'épouvantable silence des maisons. Car depuis la veille, les deux rangées de maisons de la rue de la Chanvrerie étaient devenues deux murailles. Murailles farouches, portes fermées, fenêtres fermées, volets fermés. Dans ces temps-là, si différents de ceux où nous sommes, quand l'heure était venue où le peuple voulait en finir avec une situation qui avait trop duré, avec une charte octroyée ou avec un pays légal, quand la colère universelle était diffuse dans l'atmosphère, quand la ville consentait au soulèvement de ses pavés, quand l'insurrection faisait sourire la bourgeoisie en lui chuchotant son mot d'ordre à l'oreille, alors l'habitant pénétré d'émeute, pour ainsi dire, était l'auxiliaire du combattant, et la maison fraternisait avec la forteresse improvisée qui s'appuyait sur elle. Quand la situation n'était pas mûre, quand l'insurrection n'était décidément pas consentie, quand la masse désavouait le mouvement, c'en était fait des combattants. La ville se changeait en désert autour de la révolte. Les âmes se glaçaient, les asiles se muraient, et la rue se faisait défiler pour aider l'armée à prendre la barricade. On ne fait pas marcher un peuple par surprise plus vite qu'il ne veut. Malheur à qui tente de lui forcer la main. Un peuple ne se laisse pas faire. Alors, il abandonne l'insurrection à elle-même. Les insurgés deviennent des pestiférés. Une maison est un escarpement, une porte est un refus, une façade est un mur. Ce mur voit, entend et ne veut pas. Il pourrait s'entr'ouvrir et vous sauver. Non, ce mur, c'est un juge, il vous regarde et vous condamne. Quelle sombre chose que ces maisons fermées! Elles semblent mortes, elles sont vivantes. La vie qui y est comme suspendue y persiste. Personne n'en est sorti depuis 24 heures, mais personne n'y manque. Dans l'intérieur de cette roche, on va, on vient, on se couche, on se lève, on y est en famille, on y boit et on y mange. On y a peur, chose terrible. La peur excuse cette inhospitalité redoutable. Elle y mêle l'effarement, circonstance atténuante. Quelquefois même, et cela s'est vu, la peur devient passion. L'effroi peut se changer en furie, comme la prudence en rage. De là ce mot si profond, les enragés de modérer. Il y a des flamboiements d'épouvante suprême, d'où sort, comme une fumée lugubre, la colère. Que veulent ces gens-là? Ils ne sont jamais contents. Ils compromettent les hommes paisibles, comme s'il n'en avait pas assez de révolution comme cela. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Qu'ils s'en tirent? Tant pis pour eux, c'est leur faute. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Cela ne nous regarde pas. Voilà notre pauvre rue criblée de balles. C'est un tas de vauriens. Surtout, n'ouvrez pas la porte. Et la maison prend une figure de tombe. L'insurgé, devant cette porte, agonise. Il voit arriver la mitraille et les sabres nus. S'il crie, il sait qu'on l'écoute, mais qu'on ne viendra pas. Il y a là des murs qui pourraient le protéger, il y a là des hommes qui pourraient le sauver. Et ces murs ont des oreilles de chair, et ces hommes ont des entrailles de pierre. Qui accuser? Personne, et tout le monde. Les temps incomplets où nous vivons. C'est toujours à ces risques et périls que l'utopie se transforme en insurrection. Et se fait de protestations philosophiques, protestations armées, et de Minerve Palace. L'utopie qui s'impatiente et devient émeute sait ce qui l'attend. Presque toujours, elle arrive trop tôt. Alors, elle se résigne et accepte stoïquement, au lieu du triomphe, la catastrophe. Elle sert sans se plaindre et en les disculpant même ceux qui la renient. Et sa magnanimité est de consentir à l'abandon. Elle est indomptable contre l'obstacle et douce envers l'ingratitude. Est-ce l'ingratitude, d'ailleurs ? Oui, au point de vue du genre humain. Non, au point de vue de l'individu. Le progrès est le mode de l'homme. La vie générale du genre humain s'appelle le progrès. Le pas collectif du genre humain s'appelle le progrès. Le progrès marche. Il fait le grand voyage humain et terrestre vers le céleste et le divin. Il a ses haltes où il rallie le troupeau attardé. Il a ses stations où il médite en présence de quelques chanaans splendides dévoilant tout à coup son horizon. Il a ses nuits où il dort. Et c'est une des poignantes anxiétés du penseur de voir l'ombre sur l'âme humaine et de tâter dans les ténèbres sans pouvoir le réveiller, le progrès endormi. Dieu est peut-être mort, disait un jour à celui qui écrit ces lignes Gérard de Nerval, confondant le progrès avec Dieu et prenant l'interruption du mouvement pour la mort de l'être. Qui désespère a tort. Le progrès se réveille infailliblement. Et en somme, on pourrait dire qu'il a marché même endormi, car il a grandi. Quand on le revoit debout, on le retrouve plus haut. Être toujours paisible, cela ne dépend pas plus du progrès que du fleuve. N'y élevez point de barrage, n'y jetez pas de rocher. L'obstacle fait écumer l'eau et bouillonner l'humanité. De là, des troubles. Mais après ces troubles, on reconnaît qu'il y a du chemin de fait. Jusqu'à ce que l'ordre, qui n'est autre chose que la paix universelle, soit établi. Jusqu'à ce que l'harmonie et l'unité règnent, le progrès aura pour étape les révolutions. Qu'est-ce donc que le progrès ? Nous venons de le dire, la vie permanente des peuples. Or, il arrive quelquefois que la vie momentanée des individus fait résistance à la vie éternelle du genre humain. Avouons-le sans amertume, l'individu a son intérêt distinct et peut sans forfaiture stipuler pour cet intérêt et le défendre. Le présent a sa quantité excusable d'égoïsme. La vie momentanée a son droit et n'est pas tenue de se sacrifier sans cesse à l'avenir. La génération qui a actuellement son tour de passage sur la terre n'est pas forcée de l'abréger pour les générations, ses égales après tout, qui auront leur tour plus tard. « J'existe, » murmure ce quelqu'un qui se nomme tous. « Je suis jeune et je suis amoureux. » Je suis vieux et je veux me reposer. Je suis père de famille. Je travaille, je prospère, je fais de bonnes affaires. J'ai des maisons à louer. J'ai de l'argent sur l'état. Je suis heureux. J'ai femme et enfants. J'aime tout cela. Je désire vivre. Laissez-moi tranquille. De là, à de certaines heures, un froid profond sur les magnanimes avant-gardes du genre humain. L'utopie d'ailleurs, convenons-en, sort de sa sphère radieuse en faisant la guerre. Elle, la vérité de demain, elle emprunte son procédé, la bataille, au mensonge d'hier. Elle, l'avenir, elle agit comme le passé. Elle, l'idée pure, elle devient voie de fait. Elle complique son héroïsme d'une violence dont il est juste qu'elle réponde. Violence d'occasion et d'expédient, contraire aux principes et dont elle est fatalement punie. L'utopie, insurrection, combat, le vieux code militaire au poing, elle fusille les espions, elle exécute les traîtres, elle supprime des êtres vivants et les jette dans les ténèbres inconnues. Elle se sert de la mort, chose grave. Il semble que l'utopie n'ait plus foi dans le rayonnement, sa force irrésistible et incorruptible. Elle frappe avec le glaive. Or, aucun glaive n'est simple. Tout épée à deux tranchants. Qui blesse avec l'un, se blesse avec l'autre. Cette réserve faite est faite en toute sévérité. Il nous est impossible de ne pas admirer, qu'ils réussissent ou non, les glorieux combattants de l'avenir, les confesseurs de l'utopie. Même quand ils avortent, ils sont vénérables, et c'est peut-être dans l'insuccès qu'ils ont plus de majesté. La victoire, quand elle est selon le progrès, mérite l'applaudissement des peuples. Mais une défaite héroïque mérite leur attendrissement. L'une est magnifique, l'autre est sublime. Pour nous, qui préférons le martyr au succès, John Brown est plus grand que Washington, et Pisacane est plus grand que Garibaldi. Il faut bien que quelqu'un soit pour les vaincus. On est injuste pour ces grands essayeurs de l'avenir quand ils avortent. On accuse les révolutionnaires de semer l'effroi. Toute barricade semble attentat. On incrimine leurs théories, on suspecte leurs buts, on redoute leur arrière-pensée, on dénonce leur conscience, on leur reproche d'élever, d'échafauder et d'entasser contre le fait social régnant un monceau de misère, de douleur, d'iniquité, de grief, de désespoir, et d'arracher des bas-fonds, des blocs de ténèbres pour s'y créneler et y combattre. On leur crie « Vous dépavez l'enfer !» Ils pourraient répondre « C'est pour cela que notre barricade est faite de bonnes intentions. » Le mieux, certes, c'est la solution pacifique. En somme, convenons-en, lorsqu'on voit le pavé, on songe à l'ours, et c'est une bonne volonté dont la société s'inquiète. Mais il dépend de la société de se sauver elle-même. C'est à sa propre bonne volonté que nous faisons appel. Aucun remède violent n'est nécessaire. Étudier le mal à l'amiable, le constater, puis le guérir. C'est à cela que nous la convions. Quoi qu'il en soit, même tombés, surtout tombés, ils sont augustes, ces hommes, qui sur tous les points de l'univers, l'œil fixé sur la France, luttent pour la grande œuvre avec la logique inflexible de l'idéal. Ils donnent leur vie en pur don pour le progrès. Ils accomplissent la volonté de la Providence. Ils font un acte religieux. À leur dite, avec autant de désintéressement qu'un acteur qui arrive à sa réplique, obéissant au scénario divin, ils entrent dans le tombeau. Et ce combat sans espérance et cette disparition stoïque, ils l'acceptent pour amener à ses splendides et suprêmes conséquences universelles le magnifique mouvement humain, irrésistiblement commencé le 14 juillet 1789. Ces soldats sont des prêtres. La Révolution française est un geste de Dieu. Du reste, il y a, et il convient d'ajouter cette distinction aux distinctions déjà indiquées dans un autre chapitre, il y a les insurrections acceptées qui s'appellent révolutions. Il y a les révolutions refusées qui s'appellent émeutes. Une insurrection qui éclate, c'est une idée qui passe son examen devant le peuple. Si le peuple laisse tomber sa boule noire, l'idée est fruit sec, l'insurrection est échauffourée. L'entrée en guerre à toute sommation, et chaque fois que l'utopie le désire, n'est pas le fait des peuples. Les nations n'ont pas toujours et à toute heure le tempérament des héros et des martyrs. Elles sont positives. A priori, l'insurrection leur répugne. Premièrement, parce qu'elle a souvent pour résultat une catastrophe. Deuxièmement, parce qu'elle a toujours pour point de départ une abstraction. Car, et ceci est beau, c'est toujours pour l'idéal, et pour l'idéal seul, que se dévouent ceux qui se dévouent. Une insurrection est un enthousiasme. L'enthousiasme peut se mettre en colère, de là les prises d'armes. Mais toute insurrection qui couche en joue un gouvernement ou un régime vise plus haut. Ainsi par exemple, insistons-y, ce que combattaient les chefs de l'insurrection de 1832, et en particulier les jeunes enthousiastes de la rue de la Chanvrerie. Ce n'était pas précisément Louis-Philippe. La plupart, causant à cœur ouvert, rendaient justice aux qualités de ce roi, mitoyen à la monarchie et à la Révolution. Aucun ne le haïssait. Mais ils attaquaient la branche cadette du droit divin dans Louis-Philippe, comme ils en avaient attaqué la branche aînée dans Charles X. Et ce qu'ils voulaient renverser en renversant la royauté en France, nous l'avons expliqué, c'était l'usurpation de l'homme sur l'homme et du privilège sur le droit dans l'univers entier. Paris sans roi a pour contre-coup le monde sans despote. Ils raisonnaient de la sorte. Leur but était lointain sans doute, vague peut-être, et reculant devant l'effort, mais grand. Cela est ainsi. Et l'on se sacrifie pour ces visions, qui pour les sacrifiés sont des illusions presque toujours, mais des illusions auxquelles, en somme, toute la certitude humaine est mêlée. L'insurgé poétise et dore l'insurrection. On se jette dans ces choses tragiques en se grisant de ce qu'on va faire. Qui sait, on réussira peut-être. On est le petit nombre, on a contre soi toute une armée. Mais on défend le droit, la loi naturelle, la souveraineté de chacun sur soi-même, qui n'a pas d'abdication possible. La justice, la vérité, et au besoin, on mourra comme les 300 Spartiates. On ne songe pas à Don Quichotte, mais à Léonidas. Et l'on va devant soi. Et, une fois engagé, on ne recule plus, et l'on se précipite, tête baissée, ayant pour espérance une victoire inouïe, la révolution complétée, le progrès remis en liberté, l'agrandissement du genre humain, la délivrance universelle, et pour pis-aller, les Thermopyles. Ces passes d'armes pour le progrès échouent souvent, et nous venons de dire pourquoi. La foule est rétive à l'entraînement des paladins. Ces lourdes masses, les multitudes, fragiles à cause de leur pesanteur même, craignent les aventures. Et il y a de l'aventure dans l'idéal. D'ailleurs, qu'on ne l'oublie pas, les intérêts sont là, peu amis de l'idéal et du sentimental. Quelquefois, l'estomac paralyse le cœur. La grandeur et la beauté de la France, c'est qu'elle prend moins de ventre que les autres peuples. Elle se noue plus aisément la corde au rein. Elle est la première éveillée, la dernière endormie. Elle va en avant, elle est chercheuse. Cela tient à ce qu'elle est artiste. L'idéal n'est autre chose que le point culminant de la logique, de même que le beau n'est autre chose que la cime du vrai. Les peuples artistes sont aussi les peuples conséquents. Aimer la beauté, c'est vouloir la lumière. C'est ce qui fait que le flambeau de l'Europe, c'est-à-dire de la civilisation, a été porté d'abord par la Grèce, qui l'a passé à l'Italie, qui l'a passé à la France. Divins peuples éclaireurs. Vitae lampada tradunt. Chose admirable, la poésie d'un peuple est l'élément de son progrès. La quantité de civilisation se mesure à la quantité d'imagination. Seulement, un peuple civilisateur doit rester un peuple mâle. Corinthe, oui, Sybaris, non. Qui s'effémine, s'abâtardit. Il ne faut être ni dilettante, ni virtuose, mais il faut être artiste. En matière de civilisation, il ne faut pas raffiner, mais il faut sublimer. À cette condition, on donne au genre humain le patron de l'idéal. L'idéal moderne a son type dans l'art et son moyen dans la science. C'est par la science qu'on réalisera cette vision auguste des poètes, le beau social. On refera l'Éden par A plus B. Au point où la civilisation est parvenue, l'exact est un élément nécessaire du splendide et le sentiment artiste est non seulement servi, mais complété par l'organe scientifique. Le rêve doit calculer. L'art, qui est le conquérant, doit avoir pour point d'appui la science, qui est le marcheur. La solidité de la monture importe. L'esprit moderne, c'est le génie de la Grèce ayant pour véhicule le génie de l'Inde, Alexandre sur l'éléphant. Les races pétrifiées dans le dogme ou démoralisées par le lucre sont impropres à la conduite de la civilisation. La génuflexion devant l'idole ou devant l'écu atrophie le muscle qui marche et la volonté qui va. L'absorption hiératique ou marchande amoindrit le rayonnement d'un peuple. abaisse son horizon en abaissant son niveau, et lui retire cette intelligence à la fois humaine et divine du but universel, qui fait les nations missionnaires. Babylone n'a pas d'idéal, Carthage n'a pas d'idéal. Athènes et Rome ont et gardent, même à travers toute l'épaisseur nocturne des siècles, des auréoles de civilisation. La France est de la même qualité de peuple que la Grèce et l'Italie. Elle est athénienne par le beau et romaine par le grand. En outre, elle est bonne, elle se donne. Elle est plus souvent que les autres peuples en humeur de dévouement et de sacrifice. Seulement, cette humeur la prend et la quitte. Et c'est là le grand péril pour ceux qui courent quand elle ne veut que marcher, ou qui marchent quand elle veut s'arrêter. La France a ses rechutes de matérialisme, et à de certains instants, les idées qui obstruent ce cerveau sublime n'ont plus rien qui rappelle la grandeur française et sont de la dimension d'un Missouri ou d'une Caroline du Sud. Qu'y faire ? La géante joue la naine. L'immense France a ses fantaisies de petitesse. Voilà tout. À cela, rien à dire. Les peuples, comme les astres, ont le droit d'éclipse. Et tout est bien, pourvu que la lumière revienne et que l'éclipse ne dégénère pas en nuit. Aube et résurrection sont synonymes. La réapparition de la lumière est identique à la persistance du moi. Constatons ces faits avec calme. La mort sur la barricade, ou la tombe dans l'exil, c'est pour le dévouement un encas acceptable. Le vrai nom du dévouement, c'est désintéressement. Que les abandonnés se laissent abandonner, que les exilés se laissent exiler, et bornons-nous à supplier les grands peuples de ne pas reculer trop loin quand ils reculent. Il ne faut pas, sous prétexte de retour à la raison, aller trop avant dans la descente. La matière existe, la minute existe, les intérêts existent, le ventre existe, mais il ne faut pas que le ventre soit la seule sagesse. La vie momentanée a son droit, nous l'admettons, mais la vie permanente a le sien. Hélas, être monté, cela n'empêche pas de tomber. On voit ceci dans l'histoire plus souvent qu'on ne voudrait. Une nation est illustre, elle goûte à l'idéal, puis elle mord dans la fange, et elle trouve cela bon. Et si on lui demande d'où vient qu'elle abandonne Socrate pour Falstaff, elle répond « C'est que j'aime les hommes d'État ». Un mot encore avant de rentrer dans la mêlée. Une bataille comme celle que nous racontons en ce moment n'est autre chose qu'une convulsion vers l'idéal. Le progrès entravé est maladif et il a de ses tragiques épilepsies. Cette maladie du progrès, la guerre civile, nous avons dû la rencontrer sur notre passage. C'est là une des phases fatales, à la fois acte et entr'acte, de ce drame dont le pivot est un damné social et dont le titre véritable est « Le progrès ». Le progrès, ce cri que nous jetons souvent est toute notre pensée. Et au point de ce drame où nous sommes, l'idée qu'il contient ayant encore plus d'une épreuve à subir, il nous est permis peut-être, sinon d'en soulever le voile, du moins d'en laisser transparaître nettement la lueur. Le livre que le lecteur a sous les yeux en ce moment, c'est d'un bout à l'autre, dans son ensemble et dans ses détails, quelles que soient les intermittences, les exceptions ou les défaillances, la marche du mal au bien, de l'injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au jour, de l'appétit à la conscience, de la pourriture à la vie, de la bestialité au devoir, de l'enfer au ciel, du néant à Dieu. Point de départ, la matière. Point d'arrivée, l'âme. L'hydre au commencement, l'ange à la fin. Chapitre 21. Les héros. Tout à coup, le tambour battit la charge. L'attaque fut l'ouragan. La veille, dans l'obscurité, la barricade avait été approchée silencieusement comme par un boa. À présent, en plein jour, dans cette rue évasée, la surprise était décidément impossible. La vive force d'ailleurs s'était démasquée. Le canon avait commencé le rugissement. L'armée se rua sur la barricade. La furie était maintenant l'habileté. Une puissante colonne d'infanterie de ligne, coupée à intervalles égaux de garde nationale et de garde municipale à pied, et appuyée sur des masses profondes qu'on entendait sans les voir, déboucha dans la rue au pas de course, tambour battant, clairon sonnant, baïonnettes croisées, sapeurs en tête, et, imperturbable sous les projectiles, arriva droit sur la barricade avec le poids d'une poutre d'airain sur un mur. Le mur tint bon. Les insurgés firent feu impétueusement. La barricade escaladée eut une crinière d'éclairs. L'assaut fut si forcené qu'elle fut un moment inondée d'assaillants. Mais elle secoua les soldats, ainsi que le lion les chiens. Et elle ne se couvrit d'assiégeants que comme la falaise d'écume, pour reparaître l'instant d'après, escarpée, noire et formidable. La colonne, forcée de se replier, resta massée dans la rue, à découvert, mais terrible, et riposta à la redoute par une mousqueterie effrayante. Quiconque a vu un feu d'artifice se rappelle cette gerbe faite d'un croisement de foudre qu'on appelle le bouquet. Qu'on se représente ce bouquet, non plus vertical, mais horizontal, portant une balle, une chevrotine ou un biscaïen à la pointe de chacun de ses jets de feu, et égrenant la mort dans ses grappes de tonnerre. La barricade était là-dessous. Des deux parts, résolution égale. La bravoure était là, presque barbare, et se compliquait d'une sorte de férocité héroïque qui commençait par le sacrifice de soi-même. C'était l'époque où un garde national se battait comme un zouave. La troupe voulait en finir. L'insurrection voulait lutter. L'acceptation de l'agonie en pleine jeunesse et en pleine santé fait de l'intrépidité une frénésie. Chacun dans cette mêlée avait le grandissement de l'heure suprême. La rue se joncha de cadavres. La barricade avait à l'une de ses extrémités Enjolras et à l'autre Marius. Enjolras, qui portait toute la barricade dans sa tête, se réservait et s'abritait. Trois soldats tombèrent l'un après l'autre sous son créneau, sans l'avoir même aperçu. Marius combattait à découvert. Il se faisait point de mire. Il sortait du sommet de la redoute plus qu'à mi-corps. Il n'y a pas de plus violent prodigue qu'un avare qui prend le mort aux dents. Il n'y a pas d'homme plus effrayant dans l'action qu'un songeur. Marius était formidable et pensif. Il était dans la bataille comme dans un rêve. On eût dit un fantôme qui fait le coup de fusil. Les cartouches des assiégés s'épuisaient. Leur sarcasme, non. Dans ce tourbillon du sépulcre où ils étaient, ils riaient. Courfeyrac était nu-tête. « Qu'est-ce que tu as donc fait de ton chapeau ?» lui demanda Bossuet. Courfeyrac répondit « Ils ont fini par me l'emporter à coups de canon. » Ou bien il disait des choses hautaines. « Comprend-on ? » s'écriait amèrement Feuilly. « Ces hommes !» Et il citait les noms, des noms connus, célèbres même, quelques-uns de l'ancienne armée. Qui avait promis de nous rejoindre et fait serment de nous aider, et qui s'y était engagé d'honneur, et qui sont nos généraux et qui nous abandonnent ? Et Combeferre se bornait à répondre avec un grave sourire. Il y a des gens qui observent les règles de l'honneur comme on observe les étoiles, de très loin. L'intérieur de la barricade était tellement semé de cartouches déchirées qu'on eût dit qu'il y avait neigé. Les assaillants avaient le nombre, les insurgés avaient la position. Ils étaient au haut d'une muraille et ils foudroyaient à bout portant les soldats trébuchant dans les morts et les blessés et empêtrés dans l'escarpement. Cette barricade, construite comme elle l'était et admirablement contrebutée, était vraiment une de ces situations où une poignée d'hommes tient en échec une légion. Cependant, toujours recrutée et grossissant sous la pluie de balles, la colonne d'attaque se rapprochait inexorablement. Et maintenant, Peu à peu, pas à pas, mais avec certitude, l'armée serrait la barricade comme la vis le pressoir. Les assauts se succédèrent, l'horreur alla grandissant. Alors éclata sur ce tas de pavés, dans cette rue de la Chanvrerie, une lutte digne d'une muraille de Troie. Ces hommes hâves, déguenillés, épuisés, qui n'avaient pas mangé depuis 24 heures, qui n'avaient pas dormi, qui n'avaient plus que quelques coups à tirer, qui tâtaient leurs poches vides de cartouches, presque tous blessés, la tête ou le bras bandé d'un linge rouillé et noirâtre, ayant dans leurs habits des trous d'où le sang coulait, à peine armés de mauvais fusils et de vieux sabres ébréchés, devinrent des titans. La barricade fut 10 fois abordée, assaillie, escaladée, et jamais prise. Pour se faire une idée de cette lutte, il faudrait se figurer le feu mis à un tas de courage terrible, et qu'on regarde l'incendie. Ce n'était pas un combat, c'était le dedans d'une fournaise. Les bouches y respiraient de la flamme, les visages y étaient extraordinaires. La forme humaine y semblait impossible, les combattants y flamboyaient. Et c'était formidable de voir aller et venir dans cette fumée rouge ces salamandres de la mêlée. Les scènes successives et simultanées de cette tuerie grandiose, nous renonçons à les peindre. L'épopée seule a le droit de remplir 12 000 vers avec une bataille. On eût dit cet enfer du brahmanisme, le plus redoutable des 17 abîmes, que le Véda appelle la forêt des épées. On se battait corps à corps, pied à pied, à coups de pistolet, à coups de sabre, à coups de poing, de loin, de près, d'en haut, d'en bas, de partout, des toits de la maison, des fenêtres du cabaret, des soupiraux, des caves où quelques-uns s'étaient glissés. Ils étaient 1 contre 60. La façade de Corinthe, à demi démolie, était hideuse. La fenêtre, tatouée de mitraille, avait perdu vitres et châssis et n'était plus qu'un trou informe, tumultueusement bouché avec des pavés. Bossuet fut tué. Feuilly fut tué. Courfeyrac fut tué. Joly fut tué. Combeferre, traversé de 3 coups de baïonnette dans la poitrine au moment où il relevait un soldat blessé, n'eut que le temps de regarder le ciel et expira. Marius, toujours combattant, était si criblé de blessures, particulièrement à la tête, que son visage disparaissait dans le sang et qu'on eût dit qu'il avait la face couverte d'un mouchoir rouge. Enjolras seul n'était pas atteint. Quand il n'avait plus d'armes, il tendait la main à droite ou à gauche et un insurgé lui mettait une lame quelconque au poing. Il n'avait plus qu'un tronçon de 4 épées, une de plus que François Ier à Marignan. Homère dit « Diomède égorge Axile, fils de Teutranis, qui habitait l'heureuse Arisba. Euryale, fils de Mécisté, extermine Drésos, et Ophelthios, Ésep. Et ce Pédasus, que la naïade a barbaré conçut de l'irréprochable Boucolion. Ulysse renverse Pidite de Percose, Antiloque, Abler, Polypatès, Astial, Polydamas, Autos de Silène, et Teucère, Arétaon. Mégantios meurt sous les coups de pique de Ripile. Agamemnon, roi des héros, terrasse Elatos, né dans la ville escarpée que baigne le sonore fleuve Satnoïs. » Dans nos vieux poèmes de gestes, Esplandian attaque avec une bise aiguë de feu le marquis géant Swantibor, lequel se défend lapidant le chevalier avec des tours qu'il déracine. Nos anciennes fresques murales nous montrent les 2 ducs de Bretagne et de Bourbon, armés, armoriés et timbrés en guerre, à cheval, et s'abordant, la hache d'armes à la main, masqué de fer, botté de fer, ganté de fer, l'un caparaçonné d'hermine, l'autre drapé d'azur. Bretagne avec son lion entre les 2 cornes de sa couronne, Bourbon casqué d'une monstrueuse fleur de lys à visière. Mais pour être superbe, il n'est pas nécessaire de porter, comme Yvon, le morion ducal, d'avoir au poing, comme Esplandian, une flamme vivante, ou comme Phylès, père de Polydamas, d'avoir rapporté des filles une bonne armure, présent du roi des hommes eux faites. Il suffit de donner sa vie pour une conviction ou pour une loyauté. Ce petit soldat naïf, hier paysan de la Beauce ou du Limousin, qui rôde, le coupe-chou au côté, autour des bonnes d'enfants dans le Luxembourg. Ce jeune étudiant pâle, penché sur une pièce d'anatomie ou sur un livre. Blond adolescent qui fait sa barbe avec des ciseaux. Prenez-les tous les deux. Soufflez-leur un souffle de devoir. Mettez-les en face l'un de l'autre dans le carrefour Bouchera ou dans le cul-de-sac Planche Mibray. Et que l'un combatte pour son drapeau et que l'autre combatte pour son idéal. Et qu'ils s'imaginent tous les deux combattre pour la patrie. La lutte sera colossale, et l'ombre que feront dans le grand champ épique où se débat l'humanité, ce piou-piou et ce carabin aux prises égalera l'ombre que jette Mégarion, roi de la Lycie, pleine de tigres, et traînant corps à corps l'immense Ajax, égal aux dieux. Chapitre 22. Pied à pied. Quand il n'y eut plus de chef vivant qu'Enjolras et Marius aux deux extrémités de la barricade, le centre, qu'avait si longtemps soutenu Courfeyrac, Joly, Bossuet, Feuilly et Combeferre, plia. Le canon, sans faire de brèche praticable, avait assez largement échancré le milieu de la redoute. Là, le sommet de la muraille avait disparu sous le boulet et s'était écroulé. Et les débris qui étaient tombés, tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur, avaient fini, en s'amoncelant, par faire, des deux côtés du barrage, deux espèces de talus, l'un au-dedans, l'autre au-dehors. Le talus extérieur offrait à l'abordage un plan incliné. Un suprême assaut y fut tenté, et cet assaut réussit. La masse hérissée de baïonnettes et lancée au pas gymnastique arriva irrésistible et l'épais front de bataille de la colonne d'attaque apparut dans la fumée au haut de l'escarpement. Cette fois, c'était fini. Le groupe d'insurgés qui défendait le centre recula pêle-mêle. Alors, le sombre amour de la vie se réveilla chez quelques-uns. Couchés en joue par cette forêt de fusils, plusieurs ne voulurent pas mourir. C'est là une minute où l'instinct de la conservation pousse des hurlements et où la bête reparaît dans l'homme. Ils étaient acculés à la haute maison à 6 étages qui faisait le fond de la redoute. Cette maison pouvait être le salut. Cette maison était barricadée et comme murée du haut en bas. Avant que la troupe de ligne fût dans l'intérieur de la redoute, une porte avait le temps de s'ouvrir et de se fermer. La durée d'un éclair suffisait pour cela. Et la porte de cette maison, entrebâillée brusquement et refermée tout de suite, pour se désespérer, c'était la vie. En arrière de cette maison, il y avait les rues, la fuite possible, l'espace. Ils se mirent à frapper contre cette porte, à coups de crosse et à coups de pied, appelant, criant, suppliant, joignant les mains. Personne n'ouvrit. De la lucarne du 3e étage, la tête morte les regardait. Mais Enjolras et Marius, et 7 ou 8 ralliés autour d'eux, s'étaient élancés et les protégeaient. Enjolras avait crié aux soldats « N'avancez pas !» Et un officier n'ayant pas obéi, Enjolras avait tué l'officier. Il était maintenant dans la petite cour intérieure de la redoute, adossé à la maison de Corinthe, l'épée d'une main, la carabine de l'autre, tenant ouverte la porte du cabaret qu'il barrait aux assaillants. Il cria aux désespérés « Il n'y a qu'une porte ouverte, celle-ci. » Et les couvrant de son corps, faisant à lui seul face à un bataillon, il les fit passer derrière lui. Tous s'y précipitèrent. Enjolras exécutant avec sa carabine, dont il se servait maintenant comme d'une canne, ce que les bâtonnistes appellent la rose couverte, rabattit les baïonnettes autour de lui et devant lui, et entra le dernier. Et il y eut un instant horrible, les soldats voulant pénétrer, les insurgés voulant fermer. La porte fut close avec une telle violence qu'en se remboîtant dans son cadre, elle laissa voir, coupés et collés à son chambranle, les 5 doigts d'un soldat qui s'y était cramponné. Marius était resté dehors. Un coup de feu venait de lui casser la clavicule. Il sentit qu'il s'évanouissait et qu'il tombait. En ce moment, les yeux déjà fermés, il eut la commotion d'une main vigoureuse qui le saisissait, et son évanouissement, dans lequel il se perdit, lui laissa à peine le temps de cette pensée mêlée au suprême souvenir de Cosette. « Je suis fait prisonnier, je serai fusillé. » Enjolras, ne voyant pas Marius parmi les réfugiés du cabaret, eut la même idée. Mais ils étaient à cet instant où chacun n'a que le temps de songer à sa propre mort. Enjolras assujettit la barre de la porte et la verrouilla, et enferma à double tour la serrure et le cadenas, pendant qu'on la battait furieusement au dehors. Les soldats à coups de crosse, les sapeurs à coups de hache. Les assaillants s'étaient groupés sur cette porte. C'était maintenant le siège du cabaret qui commençait. Les soldats, disons-le, étaient pleins de colère. La mort du sergent d'artillerie les avait irrités. Et puis, chose plus funeste, pendant les quelques heures qui avaient précédé l'attaque, il s'était dit parmi eux que les insurgés mutilaient les prisonniers et qu'il y avait dans le cabaret le cadavre d'un soldat sans tête. Ce genre de rumeur fatale est l'accompagnement ordinaire des guerres civiles, et ce fut un faux bruit de cette espèce qui causa plus tard la catastrophe de la rue Transnonain. Quand la porte fut barricadée, Enjolras dit aux autres « Vendons-nous cher !» Puis il approcha de la table où étaient étendus Mabeuf et Gavroche. On voyait sous le drap noir deux formes droites et rigides, l'une grande, l'autre petite, et les deux visages se dessinaient vaguement sous les plis froids du suaire. Une main sortait de dessous le linceul et pendait vers la terre. C'était celle du vieillard. Enjolras se pencha et baisa cette main vénérable, de même que la veille il avait baisé le front. C'étaient les deux seuls baisers qu'il eût donnés dans sa vie. Abrégeons. La barricade avait lutté comme une porte de Thèbes. Le cabaret lutta comme une maison de Saragosse. Ces résistances-là sont bourrues. Pas de quartier, pas de parlementaire possible. On veut mourir pourvu qu'on tue. Quand Suchet dit « Capituler », Palafox répond « Après la guerre au canon, la guerre au couteau ». Rien ne manqua à la prise d'assaut du cabaret Hucheloup. Ni les pavés pleuvant de la fenêtre et du toit sur les assiégeants, exaspérant les soldats par d'horribles écrasements, ni les coups de feu des caves et des mansardes, ni la fureur de l'attaque, ni la rage de la défense, ni enfin, quand la porte céda, les démences frénétiques de l'extermination. Les assaillants, en se ruant dans le cabaret, les pieds embarrassés dans les panneaux de la porte, enfoncés et jetés à terre, n'y trouvèrent pas un combattant. L'escalier en spirale, coupé à coups de hache, gisait au milieu de la salle basse. Quelques blessés achevaient d'expirer. Tout ce qui n'était pas tué était au premier étage. Et là, par le trou du plafond, qui avait été l'entrée de l'escalier, un feu terrifiant éclata. C'étaient les dernières cartouches. Quand elles furent brûlées, quand ces agonisants redoutables n'eurent plus ni poudre ni balles, chacun prit à la main deux de ces bouteilles réservées par Enjolras et dont nous avons parlé. Et ils tinrent tête à l'escalade avec ces massues effroyablement fragiles. C'étaient des bouteilles d'eau forte. Nous disons telles quelles sont ces choses sombres du carnage. L'assiégé, hélas, fait arme de tout. Le feu grégeois n'a pas déshonoré Archimède. La poix bouillante n'a pas déshonoré Bayard. Toute la guerre est de l'épouvante et il n'y a rien à y choisir. La mousqueterie des assiégeants, quoique gênée et de bas en haut, était meurtrière. Le rebord du trou du plafond fut bientôt entouré de têtes mortes d'où ruisselaient de longs fils rouges et fumants. Le fracas était inexprimable. Une fumée enfermée et brûlante faisait presque la nuit sur ce combat. Les mots manquent pour dire l'horreur arrivée à ce degré. Il n'y avait plus d'hommes dans cette lutte maintenant infernale. Ce n'étaient plus des géants contre des colosses. Cela ressemblait plus à Milton et à Dante qu'à Homère. Des démons attaquaient, des spectres résistaient. C'était l'héroïsme monstre. Chapitre 23.